Bonjour à tous. Chaque année, les radios chrétiennes d'Europe se retrouvent pour un grand colloque. Après Prague, en 2005, c'est la ville roumaine de Iași qui organise l'édition 2006. Les derniers jours de septembre, la CERC, Conférence européenne des radios chrétiennes, qui compte une quinzaine de membres, va donc participer à des ateliers et débats concernant l'éducation des jeunes générations. Parmi les membres de la CERC, Radio Trinitas, qui émet ses programmes dans une partie du pays. Elle est dirigée par un prêtre orthodoxe, le père Nicolas Dascalou. Nous l'avons rencontré pour évoquer comment va la Roumanie à quelques mois de son entrée dans l'Union européenne, l'occasion également de présenter Radio Trinitas. Politiquement, nous sommes tout près de l'entrée dans l'Union européenne. C'est le 1er janvier 2007 que nous espérons que la Roumanie sera enfin membre de la communauté européenne. Et du point de vue économique, nous avons fait beaucoup d'efforts pour renforcer l'économie, mais c'est une situation de transition économique. C'était l'économie étatisée 15 ans en avant. Petit à petit, l'État s'est changé. Et maintenant, il y a aussi le secteur privé qui a un rôle très important dans le développement économique du pays. Mais bien sûr, il y a aussi des questions à résoudre, il y a aussi des questions à travailler. On se souvient des années Ceausescu, la dictature, vous en êtes sorti. Oui, je pourrais témoigner parce que je suis membre d'une génération qui a passé les changements. Je suis né pendant l'époque du socialisme, du communisme en Roumanie, et j'ai vécu pendant ma jeunesse les années tristes de dictature communiste de Ceausescu. J'ai participé au changement et au chemin vers la démocratie. C'est un chemin difficile, mais c'est incroyable que les efforts que nous avons faits, les Roumains et aussi avec l'aide des Occidentaux, petit à petit on change et la population veut que les choses changent. Le fait de rejoindre bientôt l'Union européenne, c'est très important pour vous. Les Roumains sont motivés. Comment est-ce qu'ils se situent face à cette question européenne ? C'est une question complexe parce que on pourrait discuter sur des niveaux de compréhension des faits et aussi des niveaux d'adaptivité aux nouvelles conditions. C'est premièrement, on pourrait dire, de la classe politique qui est engagée dans les changements politiques, économiques et sociaux. Et c'est très intéressant qu'il n'y a pas des partis qui ne veulent pas l'intégration européenne. Tous sont d'accord avec ce mouvement vers l'Europe. Il y a aussi une autre catégorie, on pourrait dire la catégorie de population pauvre, qui a l'espérance que l'Union européenne va résoudre tous les problèmes. C'est toujours difficile de dire ça. Et il y a aussi le groupe équilibré de la population qui voit aussi et les chances et les difficultés d'intégration, parce qu'il y a aussi des chances pour nous et des difficultés, particulièrement en ce qui concerne l'identité spirituelle, l'identité culturelle, parce que nous voulons tous que le bien-être devienne un état d'esprit en Roumanie, mais nous attendons aussi que l'esprit de la culture et de la spiritualité roumaine reste encore présente, comme un témoignage dans l'Europe. Le magazine écuménique, Béatrice Holtner. Père Nicolas Dascalou, nous sommes avec vous. Vous êtes donc directeur général de Radio Trinitas, une radio basée dans le diocèse de Iași. Oui, c'est la métropole de Moldavie et Bucovine. C'est une métropole orthodoxe, le deuxième siège dans l'église orthodoxe de Roumanie, dans le patriarcat roumain. C'est une grosse radio, Radio Trinitas, dans le pays? C'est une petite radio du point de vue administratif, on pourrait dire, mais le plus gros radio de la Roumanie du point de vue de l'extension des émissions. Parce que nous avons 22 stations en Roumanie. Ça fait 2/3 de la population du pays. Donc 22 stations réparties sur l'ensemble de la Roumanie, 35 salariés. Vous êtes orthodoxe à l'origine, c'est une radio orthodoxe. Oui, oui, tout à fait orthodoxe. C'est la radio fondée par l'archevêché de Iași. Iași est la ville, le siège de la métropole de Moldavie et Bucovine. En même temps, la radio n'est pas seulement ecclésiastique, parce que la radio Trinitas, c'est premièrement un témoignage de foi au nom de la Sainte Trinité, c'est le témoignage orthodoxe, mais en dialogue avec les autres chrétiens de Iași de partout. Et puis, c'est la radio qui regarde vers la société, vers les besoins des auditeurs. Et nous disons, c'est la radio pour les âmes et pour les corps de nos auditeurs. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité de garder son âme, de garder son cœur. Vous travaillez à cette mission-là, Radio Trinitas, en Roumanie? Oui, nous essayons de faire quelque chose sur la ligne de la pastorale et de la mission de l'Église. Et nous n'oublions pas que nous vivons dans un monde réel, et le monde réel a sa complexité, ses dimensions. Et en même temps, nous disons que la radio est une présence de l'Église dans les maisons des auditeurs, et c'est une invitation à l'Église. En même temps, c'est une discussion, un débat sur les questions journalières de chacun. Donc l'Europe en fait partie, la vie économique, la vie politique? Oui, tout à fait. Il y a aussi des programmes de nouvelles, des questions qui sont présentes partout dans les discussions, dans les préoccupations du peuple. Nous invitons de temps en temps des spécialistes en économie, en politique, en culture, des professeurs de l'université, et non pas seulement de théologiens, afin qu'on puisse donner à la population une aide sur le chemin de la vie. Mais est-ce que les Roumains continuent à être chrétiens, parce que il y a beaucoup de bouleversements avec la chute du régime communiste, il y a eu tout un courant libéraliste qui arrive, on a vu dans d'autres pays de l'ex-bloc soviétique des spiritualités complètement explosées, et puis d'autres courants arrivés. Est-ce qu'en Roumanie la chrétienté demeure? Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements, non pas seulement dans l'économie, dans la politique. C'est un changement de la mentalité. Il y a aussi des gens qui voyagent beaucoup. Il y a aussi l'émigration. Maintenant, nous disons que presque 1,5 million de Roumains travaillent dans d'autres pays de l'Europe ou dans le monde. Et c'est le changement perpétuel. C'est aussi le cas aussi des idées et puis des courants de l'Asie. Le bouddhisme? Le bouddhisme et aussi les autres courants qui viennent de l'Inde ou de Japon. Mais c'est très intéressant que les fondements chrétiens de la Roumanie restent encore très forts. Dans les statistiques, la majorité de la population, 95% sont des chrétiens, non pas seulement des croyants. Ça veut dire qu'ils pratiquent? Oui, mais c'est difficile. Chez les catholiques, vous avez un nombre spécial pour les pratiquants. Mais chez les orthodoxes, nous n'avons pas l'habitude de séparer les baptisés et les pratiquants. Nous disons que si quelqu'un a le baptême, il est le fils de l'Église, et c'est notre devoir de renforcer, de faire quelque chose pour lui, de le rapprocher de l'Église, d'être pratiquant. Et en Roumanie, bien sûr, l'Église qui a le plus grand nombre de fils, c'est l'Église orthodoxe roumaine, c'est 87% de la population. Et puis, il y a des catholiques, 5%, et des autres chrétiens. Et c'est intéressant parce que les libres penseurs et les athéistes ne sont qu'un 1% de la population. Thank you. Nicolas Dascalou, vous êtes directeur de Radio Trinitas en Roumanie. La majorité des chrétiens roumains sont de tradition orthodoxe. Ça veut dire que dans vos programmes de radio, vous vous adressez à eux ou à l'ensemble des chrétiens, aux catholiques notamment, ils sont beaucoup moins nombreux. Oui, mais l'esprit de nos émissions est bien sûr orthodoxe, mais en même temps est ouvert et irénique. On ne pourrait pas faire des émissions sans avoir en conscience que nous sommes les majoritaires. Et les majoritaires ont des devoirs aussi pour les autres chrétiens, particulièrement, et pour les autres Coréens du pays. Donc il y a une dimension écuménique dans votre radio. Oui, j'ose à dire que la dimension écuménique est très présente dans les émissions de la Radio Trinitas. Il y a des émissions des offices, de transmission en direct, de la cathédrale, et aussi des programmes religieux orthodoxes, mais il y a aussi des émissions avec des invités catholiques ou protestants, et bien sûr des émissions qui nous donnent l'histoire de l'Église une du premier millénaire, et nous nous réjouissons de ce lien, de ce dialogue avec l'Église de partout. Le dialogue écuménique en Roumanie, il est facile avec les autorités catholiques? Ça se passe bien ou c'est plutôt difficile? Oui, je parle sur le cas de la Moldavie, de la ville de Iași. C'est notre évêque, le métropolite Daniel de Moldavie et Bucovine, le métropolite orthodoxe, et l'évêque diocésain Pierre, l'évêque catholique de Iași, qui sont dans une bonne relation de coopération écuménique. Et nous essayons premièrement de développer la coopération philanthropique, parce que c'est un domaine que nous avons beaucoup à faire en Roumanie. Les œuvres de la foi. L'évêque catholique et le métropolite orthodoxe ont écrit ensemble une lettre à un évêque de l'Italie pour aider un enfant qui était malade. C'était bien passé le fait, et le jeune homme est venu pendant la semaine de la prière écuménique en janvier, et il avait remercié aussi à l'évêque catholique et au métropolite orthodoxe. Donc c'est des actions concrètes que les chefs chrétiens, les représentants des églises chrétiennes roumains souhaitent développer. Oui, en faveur des fidèles, parce que nous avons beaucoup à faire dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'assistance sociale. C'est plus concret de montrer la fraternité chrétienne par les œuvres. Le témoignage du directeur de Radio Trinitas, Nicolas Dascalou, qui accueille dans son pays la Conférence européenne des radios chrétiennes, un rendez-vous écuménique important pour des radios qui annoncent l'Évangile dans toute l'Europe. Internet permet aujourd'hui d'avoir accès à un certain nombre de connaissances. Le web, c'est également un formidable outil pour se former à distance, et les églises l'ont bien compris. Ainsi, depuis plusieurs années, l'Église réformée de France a lancé Théovie, un site consultable par tous, permettant de se former à distance. Plusieurs modules de formation ont déjà été créés et d'autres voient le jour. Précision avec la directrice de Théovie, Katharina Schöchel. Alors, Théovie est une formation biblique et théologique à distance. C'est l'Église réformée de France qui l'avait lancée. Elle s'adresse plus particulièrement à des personnes qui sont à distance géographiquement, ou qui tout simplement sont dans des horaires qui ne permettent pas de suivre une formation biblique ou théologique dans leur paroisse ou dans des centres de formation. Il y a plusieurs modules dans ce site Théovie. Il y a notamment des questions de Bible, d'écuménisme, des questions éthiques aussi. Et puis, il y a un module qui s'appelle Nuée de témoins. De quoi s'agit-il? C'est un module qui se situe dans l'espace historique. Et on avait envie de retracer un peu certains personnages de l'histoire de l'Église, leur histoire, leur vie, leur œuvre, pour faire découvrir des personnes plus ou moins connus, il y a des connus, il y a des moins connus dans le groupe, et pour faire découvrir un peu l'impact qu'ils ont eu sur l'histoire de l'Église. Alors on commence avec Origène, Après, on passe dans le Moyen Âge avec Bernard de Clairvaux, puis des précurseurs de la Réforme, Jean Toller, Jean Hus. Et puis, il y a aussi des personnages qu'on s'imagine peut-être pas. C'est Jean-Sébastien Bach, par exemple, parce que lui, il est certes musicien, mais il a aussi un message théologique à offrir. Alors, un autre module Théovie, c'est une question qui nous interroge tous. D'où vient le mal? Oui, alors c'est bien sûr qu'on ne va pas donner la réponse, hein, vous vous imaginez. Mais on s'est dit, en effet, c'est une question qui revient régulièrement et non pas comme une question théorique, mais comme une question existentielle. Et on a proposé un petit parcours découverte et on a sous-titré ce parcours « Interroger des réponses ». Donc, il y a plusieurs réponses à cette question d'où vient le mal et on interroge certaines de ces réponses données fréquemment. Pour ceux qui veulent s'inscrire ou découvrir Théovie, comment fait-on ? Alors, le plus simple, pour ceux qui ont un accès Internet, d'aller simplement sur le site, donc www.théovie.org. Ils vont découvrir là où ils peuvent s'inscrire. Sinon, on peut aussi nous téléphoner au 04 67 06 45 80 ou nous adresser un courrier à Théovie, 13 rue Louis Perrier, Montpellier, 34 000 Montpellier. Et si vous voulez en savoir plus sur les 14 témoins qui ont enrichi leur époque d'origine à Jean-Sébastien Bach en passant par Martin Luther ou Bernard de Clairvaux, rendez-vous sur le site de Théovie, www.théovie.org. Nous poursuivons notre série à la découverte de l'orthodoxie après le baptême, l'eucharistie, la prière. Le père Michel Evdokimov, qui est notre guide, nous parle aujourd'hui de la tradition monastique en Orient. Une tradition en plein renouveau, notamment au Mont Athos. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent moines. Par exemple, au Mont Athos, plus de 1000 moines à l'heure actuelle qui sont répartis dans des monastères différents. C'est toute une montagne, n'est-ce pas, qui est couverte de monastères. En Russie, il y avait, du temps du communisme, 16 monastères. À l'heure actuelle, il y en a plusieurs centaines. Il ne faut pas oublier que la vie monastique répond à un appel que l'on trouve dans l'Évangile, ou plutôt dans l'Épître de saint Paul, « Prier sans cesse ». N'oublions pas que le Christ lui-même nous donne l'exemple de quelqu'un qui se retire dans le désert, juste après son baptême, qui pendant 40 jours va jeûner, va prier, et qui ensuite va être tenté par Satan et il va repousser les tentations de Satan. On peut dire que cet épisode dans l'Évangile marque le point de départ du monachisme. En réalité, le monachisme a commencé avant, dans ce sens que il y avait à Qumran les Esséniens, il y avait le prophète Élie, dont on peut penser qu'il menait, tel ou tel prophète, qu'il menait une vie de type monastique. Mais le monachisme tel que l'on le conçoit dans l'Église chrétienne, il va démarrer surtout au IVe siècle avec saint Antoine, le père des moines. Pourquoi au IVe siècle? C'est parce que l'Église accepte certaines compromissions avec le pouvoir politique et qu'il y a des hommes et des femmes qui disent non, nous ne pouvons pas accepter ces compromissions et nous allons vivre une vie intégrale de tout notre être, de toute notre pensée, de tout notre cœur, pour reprendre ces paroles de l'Évangile, dans le monastère. Au point de départ, les moines vivaient plutôt dans la solitude. Les disciples de Saint-Antoine étaient un solitaire, comme vous le savez. Et un petit peu plus tard est apparu un autre moine qui s'appelait Pacôme, et qui lui a instauré un autre type de monachisme, un monachisme communautaire, qu'on appelle monachisme cénobitique. Donc, les moines vivent en communauté plus ou moins grande. Parfois, vous avez des grands monastères avec plusieurs centaines de moines, ou quelques dizaines, ou... Bon. Et entre les deux, vous avez un autre type de vie monastique qu'on appelle la vie dans un skit. Un skit, c'est un petit ermitage où habitent 3, 4, 5, une demi-douzaine de moines autour d'un ancien qui est là pour s'occuper d'eux, pour les enseigner, etc. Et les gens ces moines mènent une vie beaucoup plus libre, si vous voulez, que dans le grand monastère, où ils se rendent pour la liturgie eucharistique, au moins le dimanche et les jours de fête. C'est-à-dire qu'ils sont isolés de ce monastère et qu'ils viennent de temps en temps. Oui, ils viennent de temps en temps et ils mènent une vie plus libre dans ce sens qu'ils décident par eux-mêmes des moments de prière, des moments où ils vont vaquer à des occupations, à des travaux. Ils ne sont pas astreints, si vous voulez, à la discipline du monastère où on prie lorsque résonne une cloche à telle ou telle heure. Мария Дева чистая, пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, царице, мать и деву, руно все покрывающее. RCF, mieux connaître les églises chrétiennes. Est-ce que dans la tradition orthodoxe, comme dans la tradition catholique, dans les monastères, en tout cas dans certains monastères, on travaille, on prie, mais on travaille aussi? Ah oui, bien sûr, il faut travailler pour gagner sa vie, pour mériter, si vous voulez, de vivre. Tous les moines, toutes les moniales doivent travailler. Alors, le travail, c'est pas forcément un travail de type professionnel, soit cultiver des légumes, faire le pain, cuire le pain, faire des travaux de menuiserie, etc. Ou alors faire des poteries. Des icônes. Ou faire des icônes, bien sûr. Ça peut être aussi un travail intellectuel, enfin de tous ordres, ou un travail pastoral. Par exemple, pour les anciens moines, ces vieux moines, plein d'expérience, plein de sagesse, qui recevaient et qui reçoivent encore des foules de visiteurs qui viennent, qui étaient une parole de sagesse. Ces moines, on les appelle des starets. Le mot starets signifie le vieillard. Souvent, ce sont des hommes qui ont des paroles un peu paradoxales. Par exemple, si vous voulez, je peux vous donner un exemple ou deux. Deux femmes se présentent devant un grand saint russe qui s'appelait Séraphin de Sarov. L'une dit « Oh père, j'ai commis un gros péché, elle pleure. Bon. » L'autre dit « Oh père, moi j'ai pas commis beaucoup de péchés, ma vie se déroule pas mal. » Alors saint Séraphin dit à la première « Va chercher une grosse pierre. » Et puis il dit à la seconde « Va chercher des petits cailloux et mets-les dans ton tablier. » Alors les deux arrivent et puis il demande à la première « Va déposer la grosse pierre là où elle était. » L'autre y va, la place était encore fraîche sur la terre. Puis il dit à la seconde, va déposer tes petits cailloux là où ils étaient. Alors on dit, je peux pas les déposer, je sais pas où je les ai pris. Eh bien tu vois, ça veut dire que tu ne connais pas tes péchés. Et pourtant tu en as beaucoup. Et c'est pas parce qu'on n'a pas l'impression de ne pas avoir tué, volé, commis des crimes horribles, qu'on n'est pas pécheur. Au fond, ce qu'il faut, c'est prendre conscience de son état de pécheur. Voilà, vous avez l'histoire de ces trois jeunes moines qui vont voir un ancien. Alors les deux premiers posent des tas de questions, et l'ancien répond. Et puis, au bout d'un moment, il se tourne vers le plus jeune, le troisième, qui ne disait rien. Et lui dit, mais et toi, tu ne poses pas de questions. Alors le plus jeune répond, mais je n'ai rien à dire, je te regarde et ça me suffit. Comme quoi, vous voyez, la transmission, c'est pas forcément des tas de raisonnements intellectuels, ce que vous voudrez, mais c'est aussi la transmission d'une expérience, d'une manière de vivre. Nous retrouverons le père Michel Evdokimov la semaine prochaine. Nous parlerons avec lui de la relation de l'homme spirituel avec l'ensemble du cosmos. Vous avez aimé cette émission ? Vous pouvez vous la procurer sur cassette ou CD auprès du service auditeur de RCF, 7 place Saint-Irénée, 69 321, Lyon Cedex 05. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à ce magazine écuménique. Je vous retrouve dimanche prochain.